بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، فهذا درسنا 34 في كتاب العلامة الشيخ النجمي حفظه الله تعالى، المورد العذب الزلال. شاف الله شيخنا وعافاه ونفعنا به وبعلمه. فخيرنا الله عز وجل. سي نوتخو 34 كور دو لو ليفر لا سورس ابوندونت ديليسيوز دو لا كريتيك دو سيرتان فوا دون الدعوة دو سيرتان كرويونس. اون سوم ا لا 25 كريتيك كي مي شيخ النجمي سون ايمينون شيخ النجمي كلا سبحانه وتعالى لو غيريس سور سيت سور لي frères musulmans. La 25e critique qu'il émet, Hafidhahullah Ta'ala, de son livre. Il dit le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, Al-Mulahadatu Al-Khamisat Wal-Ishroun, Annahum yuzahiduna fi ulama'i sunnati, Wa yenbizunahum bil-alqab, Fayasifuna ba'dahum bi-annahu amil, Wal-ba'd al-akhar bi-annahu mudahin, Wa tara'tan yaqulun عنهم إنهم علماء الورق وعلماء الحيض والنفاس وأنهم يجهلون الواقع وا إلى آخر القاموس الذي نفته قادتهم في صدورهم، فينفرون الشباب عنهم ويزهدون فيهم وفي حلقاتهم، فلا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار، وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا زهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم وما يسيرهم به قاداتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية يقعون في أخطاء كثيرة يظنونها صوابا فيستمرون عليها، فتموت بسبب ذلك سنن وتروج بدع وتفشو، ويحملها بعضهم عن بعض حتى يأتي زمان يظن الناس فيه بأنها سنة. الشيخ النجمي دو ندير دون سيت 25e critique et ils font détourner les gens et les jeunes, surtout des savants de la sunna. Et il donne des termes aux hommes de la sunna, il les appelle de certaines appellations qui vont faire éloigner les jeunes, notamment et surtout les jeunes, des hommes de la sunna. Ils disent que ce sont des espions, ou là qu'ils sont les serviteurs du gouverneur, ou là des espions des juifs. Ou alors ils caressent les gouverneurs dans le sens du poil, ou alors ils disent ce sont des savants, tout simplement des savants des feuilles, ou alors ce sont des savants des louchis et des monstrues, ou alors que ce sont des savants qui ne comprennent pas la réalité dans laquelle vit la communauté maintenant. Et jusqu'à la fin de ce lexique qu'ont insufflé dans leur esprit et dans leur poitrine les leaders de ces groupes. Et donc ainsi Shabab, la jeunesse, va se détourner des hommes de science et des assises d'hommes de science. Ils vont avoir un œil sur les hommes de science, un œil méprisant. Il va naître de ça une barrière entre les hommes de science et la jeunesse, et entre les hommes de science et les demandeurs de la science. Et là, le résultat amer, qu'est-ce qu'il va être? C'est un résultat amer et mauvais. Hein? Dans ces cas-là, les gens, ils vont tomber dans le fait qu'ils vont faire des analogies sur les situations avec leur passion et avec leur ignorance. Ils vont suivre ce que leur dictent les commandants de ces groupes. Et comme ces jeunes ignorent souvent la législation d'Allah Azza wa Jal, ils vont tomber dans beaucoup d'erreurs. Ils vont croire que ça, c'est la justice et que ça, c'est la religion. Et ils vont rester sur ces erreurs jusqu'à peut-être mourir sur ces erreurs, et peut-être ils vont propager, hein, et ainsi ils vont faire mourir certains sunnas, ils vont propager certaines innovations, et ces innovations vont devenir monnaie courante dans la communauté, et certains vont la transporter, vont la transmettre à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une certaine époque qu'ils vont croire, où les gens vont croire que cette sunna, que cette innovation, c'est une sunna. Et si quelqu'un se lève pour dire ça, c'est une innovation, ils vont crier dans son visage, comme il se passe maintenant actuellement dans les veillées que font les ikhwan ou les khourouj tabligh ou autres. Quand les hommes de science attirent l'intention qu'on croit ça, c'est d'innovation, etc., bah, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils s'écrivent, ces jeunes, ces adeptes de ces groupes? Non, il veut changer la sunna. Et c'est un ennemi de la vérité, et ainsi de suite. Fa'yakoul le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَلَا تَجْعَلْهُ مُتَلَبِّسًا عَلَيْنَا فَنَضِلَّ آمين يا رب العالمين. Et Cheikh de dire vers Allah, à Allah nous appartons, vers Allah nous allons revenir, ô Allah, nous montre-nous la vérité et fais-nous des gens qui suivent cette vérité, et montre-nous le faux et le blâmable, et fait qu'on évite ce faux et ce blâmable, et fait que les situations ne soient pas déguisées devant nous, hein, pour ne pas nous égarer. فهذه الملاحظة ملاحظة 25 تزهيدهم الشباب في العلماء فهم بارعون في هذا الباب فهم أشياخه وعلماءه فإذا أرادوا فصل الشباب عن العلماء السلفيين أو عن داعية سلفي نجحوا في ذلك وبذلوا ما في وسعهم وتجد الشباب يمشون وراءهم كالبهائم السائبة التي لا عقل لها فبمجرد إصدارهم أمر بعدم الاقتراب من فلان ولا تقرأ لفلان ولا تحضر لفلان ترى الشباب يمتثلون الأوامر كأنها وحي من الله ونحن نرى ورأينا الأوامر التي تصدر في عدم دخول بعض المراكز هنا مركز إخواننا في مدينة متز مركز الاعتصام ومركز إخواننا في مدينة بلوكسل مركز الفرقان وغيرها وتمزيق لافتة هذه المراكز فأتباع الإخوان حالهم كحال تلامذتي الابتدائي مع أساتذتهم فهؤلاء المساكين يصدقون هؤلاء المنظرين والقادة ويصدقون تلكم الإشاعات التي يروجونها عن العلماء والدعاة السلفيين. Cette 25e critique est l'une des graves critiques à Aïm el-Cheikh sur ce groupe de l'Ikhwa al-Muflisoun. Le fait qu'il détourne les jeunes des hommes de science et Ikhwa al-Muslimoun et tous les groupes qui ne sont pas sur la voie de nos plusieurs d'Allah sont excellents dans le fait de détourner les gens des hommes de science. Quand ils veulent détacher les jeunes d'un homme de science, ils savent le faire. Ils excellent dans ce genre de manigance, et dans ce genre de calamité, et dans ce genre de propagation. Ils sont excellents dans les propagations. S'ils veulent détourner quelqu'un d'un homme de science salafi ou d'un prêcheur salafi, ils y arrivent. Ils mettent tout ce qu'ils ont dans leurs moyens comme ambiguïté, et tu vois que les jeunes, comme un troupeau, tombe dans leur filet et les suivent comme des animaux qui n'ont pas de raison. Du moment que l'ordre est venu de ne plus se rapprocher de tel, ou de ne pas rentrer dans tel endroit, ou de ne pas rentrer dans tel centre, etc., ou dans telle mosquée, ou là dans tel mosallah, tu vois, ils mettent en application tout de suite les ordres. Ils sont télécommandés, hein. Ils mettent tout de suite en application. Et nous avons vu devant nous, en 10 ans de da'wa, ici dans le nord de la France et entre la Belgique, etc., nous avons vu les ordres qui ont été donnés par les Khouan pour ne pas que les frères que les jeunes ne rentrent pas dans le centre d'El Furqan à Bruxelles, ou qu'ils ne rentrent pas dans le Moussalla de Camus dans la résidence universitaire dans la région de Lille, ou là pour qu'ils ne rentrent pas dans le centre d'El Irtisam dans la ville de Metz, et autres. Et même ils donnent des ordres à leurs disciples de déchirer les affiches qui mettent les frères du centre d'El Furqan et les frères des autres centres. Et les disciples d'El Ikhwal Muflisoun, d'El les autres groupes, ils sont comme les élèves du primaire avec leurs profs. Ces pauvres, ils prennent comme véridique tout ce que leur dirent leurs théoriciens et leurs commandants et leurs chefs de groupe. Ils gobent toutes les énormités qu'ils leur disent. Tout ce que propagent leurs chefs et leurs émirs, ils le prennent. Tout ce qu'ils disent des hommes de science, ils le prennent comme monnaie compte, comme vérité, de laquelle il ne faut pas se détourner. Du moment qu'il y a, ça vient de leur responsable et de leur chef, ben ils le gobent. ولكن يجب على الشباب أن يستخدموا عقولهم وأن تكون عندهم قواعد وأصول يرجعون إليها وأن لا يكونوا كالبهائم يقادون فيا أخ الإسلام لا تعطي عقلك غيرك فكر يقول رب العزة عن الجاهليين وعن المشركين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فهؤلاء يقولون للشباب لا تسمعوا للشيخ ربيع لا تسمعوا للشيخ النجمي لا تسمعوا للشيخ ابن باز لا تسمعوا للشيخ مقبل لا تسمعوا للشيخ الألباني رحمة الله عليهم لا تسمعوا للشيخ الفوزان لا تسمعوا لفلان وفلان للشيخ عبيد وأوط فهذا كمثل يشبه أقوال المشركين لا تسمعوا لهذا القرآن يعني إذا جاء النبي يقرأ القرآن في الحرم ارفعوا أصواتكم ولعلكم سمعتم مقطعا يرفع فيه هؤلاء القطبيون وهؤلاء الإخوان وهؤلاء المنحرفون أصواتهم في محاضرة للشيخ العلامة محمد الأمل الجامي ويضربون بالميكروفون والطاولة وكذلك فعلوا مع الشيخ النجمي الشيخ السحيمي والشيخ عبد الرزاق العباد وهذه صفحة مخزية في سجل سجلها عنهم التاريخ شوشوا حتى لا يسمع أحد كلام هؤلاء المشايخ الفضلاء. Et frère en Allah, Azzawajal, aussi, il appartient à la jeunesse qu'ils fassent travailler leur ménage et leur raison, et qu'ils aient des règles et des fondements vers lesquels ils reviennent, et qu'ils ne soient pas des bêtes qui sont comme des bêtes guidées ou comme des personnes qu'on téléguide. Frère en Islam, ne donne pas ta raison à autrui, réfléchis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit des associateurs, n'écoutez pas ce Coran. Hein? N'écoutez pas ce Coran et pendant qu'il se lit, jouez dedans, peut-être que vous allez vaincu. Quand vous l'entendez à ce moment-là, jouez, criez, peut-être que vous allez vaincre. Et cela, ces commandants de ces groupes et ces émirs du groupe disent aux jeunes, n'écoutez pas Cheikh Rabi', n'écoutez pas Cheikh Najmi, n'écoutez pas Cheikh Mohamed Aman, n'écoutez pas Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani et autres. Hein? N'écoutez pas Cheikh Chalabi, n'écoutez pas l'Akh Ammar, l'Akh Abdel Malik et autres. Hada, c'est comme la parole des associateurs. Ça ressemble à la parole des associateurs qui disaient à leurs enfants et à leurs ouailles, n'écoutez pas ce Coran. Quand le prophète il arrive pour lire le Coran au haram, levez vos voix, faites des bruits. Et peut-être que vous avez entendu un passage où ceux-là, c'est Qutbit, et c'est Khwanit, et ceux qui sont déviés de la voix de leur plus-aïeul, élevaient la voix dans une conférence de Cheikh Mohamed Amar, rahimahullah ta'ala. Il tapait la table, il jetait le micro par terre. Ainsi, ils ont fait de même dans le sud de l'Arabie avec Cheikh Suhaimi. Et avec Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad. Et ça, c'est une page noire que l'histoire a transcrit contre ces gens-là. Et contre leur façon de faire. Pour que les gens n'écoutent pas les paroles de ces hommes de science et de ces nobles hommes de science. Qui sont quelqu'un comme Cheikh Mohamed Amal Jami. Mohamed Amal Jami, rahimahullah, c'est un homme excellent dans l'enseignement de l'Aqida. C'est à lui qu'on doit tout le programme qui est dans les universités en Arabie Saoudite, et notamment à Médine, en ce qui concerne les sciences de l'Aqida. وهذه طريقتهم وتشويههم لصورة العلماء لا تسمعوا لهؤلاء فهم خونة فهم علماء اليهود فهم حتى قال بعضهم عن الألباني أنه لوطي نعوذ بالله من الجور والظلم كيف يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة Et ça, c'est leur voix dans le fait de dénigrer, de noircir l'image des hommes de science. N'écoutez pas ces hommes de science. Ils disent, n'écoutez pas ces traîtres. N'écoutez pas ces traîtres. N'écoutez pas ces agents du sionisme, ils disent. A'oudou billah. Certains parmi eux ont dit de l'Albanie qu'il est homosexuel. A'oudou billah. Comment il va faire le jour où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette parole? Quelle preuve? Avec sur quoi tu t'appuies pour dire que Cheikh Al-Albani est un homosexuel? Qu'est-ce que tu racontes? Le lion de la sunna, l'exterminateur de l'innovation à notre siècle, celui par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait revivre la science du hadith, et toi tu oses dire c'est une énormité sur cet homme, sur cet noble homme, alors que les hommes de science, hein, le respectent, lui font les éloges. Wa tasma'uhum yaqulun la tadkhulu hadhihi al-ghuraf, ghurfat al-Furqan, غرفة مركز الفرقان, ولا غرفة أعلام السنة, ولا غرفة الشيخ شلبي, ولا تسمعوا للشيخ عبد المالك, ولا للشيخ شلبي, ولا للشيخ عمار, ولا للأخ عبد المالك, للشيخ عبد المالك لا تسمعوا لهم, ولا تدخلوا غرفتهم, ومصلى كامي هذا عندنا في السكن الجامعي هذا لا تحضروا جمعة ولا دروسة. لما؟ فإن هؤلاء يتكلمون في العلماء, فهذا المسكين عندما يسمع هذا الكلام تنتفخ آذانه, كيف يتكلم في العلماء؟ وهكذا يضحكون على الشباب ويضحكون بالشباب, والشباب ضحايا هذا الأسلوب الماكر. فقال الله عز وجل نغنطخي با دون لغوم ديال السنطخ الفرقان, نغنطخي با دون لغوم ديال ربير دو لسنة avec H à la fin, là où il y a les cours de notre frère Ammar et de notre frère Abdel Malek. Ils avertissent contre tous ces bons sites, ces bons salons dans lesquels on apprend qu'Allah, qu'Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent même, n'écoutez pas Cheikh Chalabi, c'est un autre moufiste, Mujassim, etc. Ils disent n'importe quoi. N'écoutez pas Cheikh Abdel Malek Ramadali, n'écoutez pas Cheikh Chalabi, n'écoutez pas le frère Ammar, n'écoutez pas le frère Abdel Malek, n'écoutez pas tous ceux-là, et n'allez pas dans leur room. Ainsi ils disent. Et ne rentrez pas dans la salle de prière, dans le site universitaire de Camus, au nord de la France, à Lille. N'y allez pas, n'écoutez pas tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui parlent sur les hommes de science. Et quand le pauvre, il entend cette parole, ses oreilles gonflent. Comment il parle des hommes de science? Et ainsi, il se fout des jeunes. Et les jeunes sont la victime de ce style qui est très dangereux. Ya akhal islam, isma, ta'ala, istahmil aqlak, wa la tulghih. Wa ba'dhum raja'a ila aqli wa qala lima la nadhhabu ila ha'ula wa nukallimuhum wa nunaqishuhum. Qalu fi wajhi la. Qala lima ha'ula ila yujalasun wa la yukallamun. Lima qalu lahu yasharunaka bi kalamihi. Subhanallah, alaysa hadha kalam, alaysa hadha yashbihu kalam al-mushrikeen fi Makkah lamma kanu yamna'un an-nas min an yasma'u lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hayyun Allah azza wa jalla, écoute, fais travailler tes ménages, utilise ta raison, ne mets pas de côté ta raison. Et certains, leur raison leur est revenue, ils ont posé la question à leur chef. On dit, pourquoi on ne va pas voir ces gens-là? Pourquoi on ne va pas débattre avec ces gens-là? Pourquoi on ne va pas leur parler directement face à face? Pourquoi? Ils lui ont dit directement, non. Et ce sont des gens, on ne s'assoit pas avec eux, on ne leur parle pas. On dit, il pose la question, pourquoi? Il a dit, ils vont t'attirer par leur magie. La magie, ils ont de la magie de leurs paroles. Subhanallah. Et ceci ressemble à la parole des associateurs à la Mecque, qui interdisait aux gens d'aller écouter Mohammed alayhi salam. Et vers Allah, et Allah nous appartenons, et vers Allah nous allons revenir. فطبعا هذا الأسلوب معروف عن الإخوان وعن كل المنحرفين عن منهج السلف ومسجل عليهم. فهذا الكتاب الذي نتدارسه الآن, لماذا لا يأتي أحد هؤلاء المحذرين ويأخذ هذا الكتاب ويقرأه حتى يعلم ما يقول الشيخ النجمي وغيره من علماء السنة؟ إيه ناتوريلمون, hein, ce style, il est connu des Ikhwan et de tous ceux qui sont en divergence avec la voie du puzzle de l'Allah. Et ceci est transcrit contre eux. Et ce livre que nous étudions, pourquoi l'un des leurs, il ne vient pas le lire? Pourquoi ces jeunes ne lisent pas ce livre? Ils le prennent, ils regardent et ils lisent ce que dit Cheikh Najmi et d'autres hommes de science de la Sunna pour savoir. يقول الشيخ أبو مالك أن شخصا حدثه بأن أحدا جلس مع شخص معجب جدا بأحد رموز القطبية وأسمعه شريطا لهذا الرمز يمدح فيه الجفري الخرافي الهالك في الصوفية فانصدم الأخ من كلام الشيخ القدوة إن هذا الأخ لم يمت فيه حب السنة. الشيخ أبو مالك دو نو كونتي اون هيستوار دان جون ان هوم كي تي ان بو كي ايمي بوكو un des emblèmes de la Qutbiyya en Arabie Saoudite. Et cet homme qui aimait avec l'emblème de la Qutbiyya, quelqu'un lui a fait écouter une cassette, une parole de cet emblème de la Qutbiyya, dans lequel il fait l'éloge de Jufri, ce khurafi, celui qui appelle à adorer les tombes. Regardez comment c'est contradit. Il est Qutbi, il fait l'éloge de quelqu'un qui appelle les gens à l'associationnisme. Comment ça peut se réunir? Pour comprendre comme quoi les innovateurs et ceux qui sont en divergence avec la voie du plusieurs, ils sont dans la contradiction tout le temps. Et quand ce frère a entendu la parole de son cheikh, de cet emblème qu'il aime, et les éloges que son cheikh et que cet emblème qu'il aime faisaient sur le Jeffrey, c'est comme il a reçu un choc. Parce que l'amour de la sunna n'était. Il aimait encore la sunna. ولكن الشباب في العالم عامة والسعوديين خاصة مغرورين بهؤلاء الرموز وما يعرفون ما عند هؤلاء الرموز من الطوام. ولكن هذا الشاب لما سمع واطلع على طوام رمزه قال لصاحبه يا فلان أتريد أن تجعلني جاميا؟ أعوذ بالله. يكرهون الحق من كراهيته من علماء السنة. يعني بدل أن ينصف ويتبع الحق وأن يسلك المسلك الصحيح إذا به يقول هذا الكلام. فهذه الألقاب جامية مداخلة ربيعيون عبيديون ينفرون بها الشباب عن العلماء. نسأل الله السلامة والعافية. Mais la jeunesse à travers le monde et en Arabie Saoudite et dans le golf, etc. en particulier, sont imbus, aiment trop, ils sont trop attachés à ces emblèmes d'Al-Qutbiyya. Ils ne connaissent pas les erreurs et les catastrophes. Il en est de même ici en Europe. Ils ne connaissent pas les erreurs et les catastrophes de ces emblèmes et de ces vedettes, de ces têtes d'affiche. Ces jeunes, quand il a entendu cette mauvaise parole et ces éloges que faisait sa tête d'affiche à Jeffrey, il a dit à son ami qui lui a fait écouter, est-ce que tu veux que ce soit un jami? A'oudou billah. Il déteste la vérité par le fait d'avoir détesté les hommes de la sunna et les savants de la sunna. Au lieu qu'il soit juste avec lui-même et qu'il suive la vérité, il a pris cette voie. Et il s'est retourné, il a dit, est-ce que tu veux que ce soit jami? Et ces termes jami, Madkhali, Rabi'i, Ubaidi, ce sont des termes que ceux qui ont dévié de la voie de plusieurs d'Allah Alim utilisent pour faire éloigner les jeunes des hommes de science. وهذه سنة تشبه سنن المشركين لبزوا أصحاب رسول الله بأنهم صائبة وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مذمم وساحر وكاهن وكذاب وشاعر إلى آخر ما قال. وهذا أسلوب معروف وهو من باب التنفير عن أهل الحق يأتون بهذه الألقاب. Donc, et ça, c'est une des voix aussi qui ressemble à la voix des associateurs. Combien ils ont émis de critiques sur les compagnons de Mohammed A.S. Comment ils les ont dénigrés? Sa'iba, c'est-à-dire qu'ils sont détournés. Ils disent du prophète A.S. qu'il est non loué, qu'il est sorcier, qu'il est devin, qu'il est menteur, qu'il est poète. Et vas-y, la liste est longue. Et ça, c'est un style qui est connu. Et c'est un style qu'on utilise pour éloigner les gens de la vérité. On ramène ce genre de terme pour éloigner les gens de la vérité. فعلى الشباب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن تبقى عقولهم في رؤوسهم وأن يفكروا تفكيرا صحيحا ولو لحظة واحدة ولو لحظة واحدة حتى يتبين لهم الحق، ولا تكون عقولهم في أيدي غيرهم يسيرونهم كما يشاءون. رحمة الله على الشيخ مقبل، كان يقول كالأنعام السائبة، والله المستعان. وطبعا الشيخ قال هذه الكلمة في مناسبة أخرى، صدام حسين لما دخل الكويت الإخوان في العالم أيدوه، بل أرادوا الجهاد معه بزعمهم وسموه بالبطل المؤمن. يا سبحان الله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. صدام تحول عندهم إلى مؤمن وبطل، وخرجوا في مظاهرات يؤيدونه. وهنا الشيخ مقبل قال هذه الكلمة، خرجوا كالأنعام السائبة. وكان صدام عندهم خبيث عندما حمل السلاح ضد الخميني الرافضي الخبيث، وأصبح بطلا عندما هاجم الكويت وأراد شرا ببلاد التوحيد. أين عقول هؤلاء؟ بأي مكيال يكيلون؟ Donc il appartient à la jeunesse de craindre Allah Azza wa Jal et de préserver les droits d'Allah Azza wa Jal, et qu'ils préservent leur raison et qu'ils fassent que leur raison reste dans leur tête et sur leurs épaules, et qu'ils réfléchissent un petit peu, une réflexion saine, même un instant, pour qu'il leur apparaisse la vérité, et qu'ils demandent à Allah Azza wa Jal de les éclairer sur la vérité, et que leur raison ne soit pas dans les mains d'autrui, qu'ils ne soient pas comme des robots qu'on guide comme on veut. Ils les font marcher comme ils veulent. Et rahmatullahi ala Sheikh Mokbin, il disait que cela, en parlant d'Al Ikhwan et de tous ces adeptes de ces groupes égarés, sont comme l'an'am sa'iba, les bêtes qu'on conduit. Allahul Musta'an. Et taba'an, naturellement, Sheikh il a dit cette parole, cette désignation à une autre occasion. À l'occasion, au moment où Saddam Hussein est rentré au Koweït, l'Ikhwan, dans le monde entier, ils ont dit, ils ont été du côté de cette dame alors qu'il allait envahir un pays musulman. Ils ont été de son côté, ils voulaient combattre avec lui, prétendant que ça c'est le combat. Ils l'ont appelé le héros, le croyant. Subhanallah. Oh, toi qui tournes les cœurs, confirme nos cœurs sur ta religion. Cette dame est devenue pour eux le croyant, le héros. Ils sont sortis dans des manifestations pour, à travers le monde, pour donner raison à cette dame et pour approuver ce qu'il a fait cette dame. Et c'est à ce moment-là que Cheikh Mokbel, il a dit cette phrase, ils sont comme les bêtes qu'on guide. Et cette dame est devenue habite chez eux au moment où il a pris les armes contre le Khomeini Rafidi. Hein? Quand il a envahi le Koweït et qu'il voulait faire du mal au pays du monothéisme qui est l'Arabie Saoudite, c'est un héros, c'est un croyant. Et quand il a pris les armes contre le Khomeini Rafidi qui insulte Abou Bakr et Omar et Uthman, et qui insulte les compagnons de Mohammed alayhi salam, et qui dit des choses sur Aïcha radiallahu ta'ala, à ce moment-là, cette dame est devenue, un héros. Subhanallah. À ce moment-là, cette dame est devenue un homme impur, un homme qui n'est pas bon, etc. Regardez, au moment où il envoie un pays musulman, il le traite. Et au moment où il veut du mal au pays de l'unicité, il le glorifie plutôt. Et au moment où il prend les armes contre Rafida, ben à ce moment-là, il le traite. Regardez comment. Hein, regarde, où sont leurs raisons? Comment, c'est quoi cette balance avec laquelle il pèse les situations? Il attaque les musulmans, à ce moment-là, il le traite. Et il attaque Rafida, il attaque les gens de la Sunna, on le traite. Il attaque Rafida, ben, on le glorifie, on fait de lui un héros. Subhanallah. Et ça, c'est le hawa, ce sont les passions. Wa yaqulu al-Sheikh al-Najmi hafidhahullah ta'ala. يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، وهو واحد من هذا النمط وإن كان يخالف أحيانا كما سبق أن نقلت عنه نقده لمنهج الإخوان في الاغتيالات. Donc encore une fois, الشيخ النجمي حفظه الله تعالى nous rapporter des paroles d'Abd al-Rahman Abd al-Khalq dans un livre qui s'appelle Khotot, les lignes principales pour refaire naître la communauté musulmane. Ça, c'est que c'est Abdelrahman Abdelkhalik. Il y a beaucoup de prêcheurs ici, qui nous entourent ici dans la, au nord et en France, qui prennent. C'est une référence pour eux. Ils lisent ces livres. Et Cheikh Najmi de nous dire, ça, c'est l'une des têtes. C'est, il est comme eux. Même s'il est en divergence avec eux. Comme Cheikh, il nous a rapporté de lui comme quoi il a critiqué la voie d'Yel Ikhwan Mouflisoun dans le fait des assassinats. Mais n'empêche qu'il est sur la même ligne qu'eux. يقول عبد الرحمن عبد الخالق فيما ينقل عنه الشيخ النجمي واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم. Et il cite ces paroles où عبد الرحمن عبد الخالق dénigre les hommes de science. Et regardez cette façon. Regardez cette façon, comment il arrive à dénigrer les hommes de science. Il dit aujourd'hui, malheureusement, nous avons des chouyours qui comprennent les épluchures de l'islam et qu'ils le comprennent à la façon ancienne. Et alors que l'organisation du monde et la vie des gens a changé, et leur façon de faire a changé, et leurs transactions ont changé. Ah, regardez. Regardez cette insinuation. Ça veut dire que les hommes, ceux qu'ils critiquent là, ne vivent pas à leur époque. عياذا بالله. ما يقول ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوي القائم الآن وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة وحشية وأن الزواج بأربعة نسوة همجية ورجعية. Il dit, regardez, ça c'est les paroles que cite Cheikh Najmi de Abdelrahman Abdelkhalik pour vous montrer jusqu'où ils vont. Il dit, c'est quoi la valeur d'un homme de science qui lit les versets des riba et qui ne comprend pas les lois des transactions contemporaines qui gère maintenant le monde. Il dit, c'est quoi la valeur d'un homme de science qui ne peut pas répliquer à un athée qui prétend que le fait de couper la main à un voleur, c'est une barbarie. Et qui prétend que le fait d'être marié avec sept, de se marier avec quatre femmes, c'est une barbarie, c'est une... et revenir en arrière. Et il dit... وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين وأنها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترف السياسة ولصوصها. Il dit encore, regardez encore, c'est des mensonges sur les hommes de science. C'est quoi la valeur de cet homme de science qui connaît, c'est toi la valeur du savant de la législation qui prétend que la politique ne fait pas partie de la religion et que la politique doit être réservée à ces ignorants dont le métier c'est la politique et ces voleurs de la politique. Et il dit encore « وَمَا قِيمَةُ عَالِمٍ بِالشَّرِعَ لَوْ دُعِيَ إِلَى نِدَاءِ الْجِهَادِ لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس. Il dit encore, c'est quoi la valeur de du connaisseur de la législation quand on appelle, quand l'appeleur vers le jihad, il appelle de prendre les armes, etc. et de sortir, il dit ceci, ça ne fait pas partie, ce n'est pas une situation pour les hommes de la législation. Nous, notre devoir de faire des fatwas dans ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, et dans les lochis, dans les monstrues. A'oudou billah. ثم استدرض في كلامه وضرب مثلا لهذا النمط بعالم جليل وشيخ عبقري علامة قل أن يرى مثله فسر كتاب الله بتفسير عظيم سماه أضواء البيان ورغم أنه أثنى عليه إلا أنه دس السم في الدسم فقال ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره فما كان يدرك جواب شبهة يريدها عدو من أعداء الإسلام من أعداء الله ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبهة إلى آخر ما قال أعوذ بالله. Et il continue de dire et cherche de nous faire transcrire certains passages de ces paroles pour savoir comment, de quoi ils sont capables ces hommes. Il donne sa parole et il donne un exemple de ces hommes de science. Il donne un exemple, il a été pris l'un des plus nobles exemples de la science dans notre monde contemporain. un cheikh qui est un génie, qui est quelque chose d'extraordinaire à notre siècle, une éminence. Hein? On ne peut pas avoir quelqu'un comme lui maintenant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Il a expliqué le livre d'Allah Azza wa Jal d'une explication énorme. Il a appelé cette explication les lumières de l'éclaircissement. Et malgré quoi, Abdelrahman Abdelkhalq a fait ses éloges à ce cheikh qui était son cheikh, l'un de ses chouyours. Mais il a mis le poison dans la graisse, le poison dans l'huile, le poison dans le miel. Et il a dit, mais cet homme ne connaissait rien de son époque, ne vivait pas à son époque. Et il ne pouvait pas répondre à une ambiguïté qu'un ennemi parmi les ennemis d'Allah, Azza wa Jal, pourrait lui envoyer. Et il n'était même pas prêt à écouter cette ambiguïté. Et jusqu'à la fin des descriptions qu'il a fait de ce noble cheikh, rahmatullahi alayh. فهنا الشيخ النجمي حفظه الله تعالى نقل لنا كلاما قبيحا لعبد الرحمن عبد الخالق عن العلماء مع الأسف الشديد. Ici, الشيخ النجمي حفظه الله تعالى nous a ramené des paroles qui sont très mauvaises de ce Abd al-Rahman Abd al-Khalq, qui est un Égyptien qui vit au Koweït. Ces mauvaises paroles qu'il a émises sur les hommes de science, malheureusement. Et ça, c'est une injustice vis-à-vis des hommes de science, une accusation aux hommes de science. Est-ce que les hommes de science, comme tu les as décrits, Abd al-Rahman, et il faut que tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te poser des questions si tu ne te réponds pas de ce que tu as dit. Allah, il va poser des questions à Abd al-Rahman Abd al-Khalq s'il ne se repent pas de cette énorme parole qu'il a dit. Atadruna amman qala hadha al-kalam al-qabih. Ya akhwa, atadruna amman qala hadha al-kalam al-qabih. Qalahu fi shaykhi wa 'allamati hadha al-'asr. Atadruna man huwa ya akhwat al-islam? Innahu al-imam al-'allamah al-faqih al-usuli محمد الأمين الشنقيطي إمام عصره في علوم عديدة في التفسير واللغة ووصول الفقه والشيخ رحمه الله سلفي في عقيدته ومنهجه وإمام من أئمة السنة. Ici, الشيخ النجمي حفظه الله تعالى nous a rapporté des paroles, hein? Des paroles très mauvaise d'Abd al-Rahman Abd al-Khalq, cet Égyptien qui vit au Koweït. Ces paroles qu'il a dites concernant les hommes de science, et ça c'est une accusation, et c'est une injustice vis-à-vis des hommes de science. Est-ce que les hommes de science, et Abd al-Rahman, c'est comme tu les as décrits? Il faut qu'Abd al-Rahman Abd al-Khalq se rappelle que demain, Allah subhanahu wa ta'ala posera des questions sur ces paroles s'il ne se repent pas de ce genre d'énormité, de ce genre de paroles. Est-ce que vous savez, frère en Allah, Azza wa Jal, de qui il a dit ça? Est-ce que vous savez de qui il a dit ces énormités et ces paroles blâmables? Il les a dites de son cheikh, l'éminence de son siècle. Vous savez qui c'est, frère en Allah, Azza wa Jal? C'est l'imam, c'est l'éminence, l'imam, le jurisconsulte par excellence, l'homme des sciences du fondement par excellence, et l'homme du tafsir par excellence, l'homme de la langue, l'homme de usul al-fiqh, Muhammad al-Amin Shanqiti rahmatullah alayh. C'est un imam de son siècle, de son époque, dans beaucoup de sciences, dans tafsir, dans l'explication du Coran, dans la langue, dans usul al-fiqh. Et Cheikh rahmatullah alayh, c'était un salafi dans sa aqida, un salafi dans sa voix, et un imam de la sunna par excellence. وكانت العلماء عند هذا الرجل تلاميذا فهذا الرجل ناذرة ومع ذلك انظر ما قال عنه عبد الرحمن عبد الخالق فهذه مشكلة عظيمة تتلمذ عليه واستفاد منه وله عليه حق الأستاذية وهكذا بهذه السهولة يعقه وبهذا الوصف يصيفه. Les hommes de science contemporains que nous connaissons, auxquels nous font référence maintenant, c'était des élèves à Al-Amin Shanqiti rahmatullah alayh. Al-Uthaymin, Cheikh Al-Uthaymin, un de ses élèves. Bakr Abu Zayd, un de ses élèves. Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, un de ses élèves. Et d'autres, Cheikh Rabi' était l'un de ses élèves. Et cet homme, c'est une rareté. Et malgré tout ça, regardez ce qu'a dit Abd al-Rahman Abd al-Khalq. Et ça, c'est un énorme problème chez l'Ikhwan et ceux qui ont dévié de la voie de leur cousin, radhiyallahu anhu. Il a été son professeur. Il a étudié chez lui. Il a profité de la science de cet homme. Il a des droits sur lui. Droits qu'il était son prof. Et ainsi, facilement, il lui désobéit. Il le décrit avec ses descriptions ignobles. والشيخ الأمين الشنقيطي رد على إمام الملحدين وفند قوله نعم رد على إبليس في قياسه الفاسد لما قال أنا خير منه وكذلك رد على إمام رد على ابن حزم في نفيه للقياس فهذه مسألة عظيمة وعويصة لا يستطيعها عبد الرحمن عبد الخالق وأمثاله ولا يستطيعون أن يقوموا بها فكلام الإمام الشنقيطي في الرد على ابن حزم وفي نفيه للقياس كلام عظيم وعجيب وعجبك لا ينتهي إذا علمت أنه قاله ارتجالا وهو في حلقته في المسجد النبوي يعني لم يؤلفه من قبل وإنما قاله وهو جالس على كرسي حلقته وكلامه فرغ من الشريط وقرئ عليه ثم طبع بعد ذلك فما هذه الشبهة يا عبد الرحمن هكذا يتكلم التلميذ في شيخه نسأل الله السلامة والعافية إيه الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه إتي ونيمينوس إلى غيبليكي الإمام جلي أفطي إلى أن ينطي سي بارول وي فريرون الله عز وجل إلى غيبليكي إبليس dans l'analogie qu'il a fait quand il a dit je suis mieux que lui. Tu l'as dit qu'il est mieux que l'être humain. Il a répliqué aussi à l'un des grands imams, Ibn Hazm, rahimahumullah jami'an. Comme Ibn Hazm a mis de côté le qiyas, il n'a pas reconnu l'analogie. Et ça, c'est un sujet énorme. Et Abd al-Rahman et ceux qui sont comme lui ne peuvent pas accomplir ce qu'il a accompli Mohamed Al-Amin Shirqit rahmatullah alayh quand il a répliqué à Shaitan et quand il a répliqué à Ibn Hazm rahmatullah alayh il a anéanti la choubha d'yel Shaitan dans l'analogie et il a anéanti la choubha d'yel Ibn Hazm dans le fait d'avoir de n'avoir pas reconnu l'analogie et c'est une parole extraordinaire ces paroles qu'il a dit et ton étonnement ne s'arrête pas quand tu sais quand il a anéanti la choubha de, il a répliqué à la choubha à Ibn Hazm, il l'a fait alors qu'il était assis sur la chaise sur laquelle il enseignait à la mosquée, sans papier, sans avoir préparé. Il était assis sur ta chaise et il a débité des paroles avec lesquelles il a anéanti, et il a répliqué à Ibn Hazm. Et ces paroles ont été vidées de la cassette, on lui a lu et après ils ont été édités. Et les hommes de science profitent de ce fascicule de cette risala que Amin Shunqiti il a dit comme ça de sa tête directement il a répliqué à Ibn Hazm et à Shaitan et à autres et ainsi Abd al-Rahman Abd al-Khalq parle de son shir de cette imminence de cet homme de science de cette montagne de science qala imam al-sunna wa asaduha wa qami'u al-bid'a Sheikh Mohamed Nasr al-Albani annahum khamsatun min alladina يعرفهم أنهم متميزون في هذا العصر ومن هؤلاء الخمسة ذكر الشيخ الألباني ابن باز وشيخ تقي الدين الهلالي وشيخ بديع السندي والمبارك فوري وذكر منهم الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى l'homme de la sunna par excellence l'exterminateur de l'innovation الشيخ ناصر رحمة الله عليه dit dans une de ses paroles je n'ai pas vu cinq mieux que ces hommes de science Et les meilleurs hommes de science qu'il a rencontrés à son siècle, il dit Ibn Baz, Cheikh Taqi al-Din Hilali, l'Amin Shanqiti. Et le Mubarak Fouri, celui qui a fait l'interprétation d'Yel Tirmidhi, et Badi' al-Sindi. L'Albani, rahmatullah, cette montagne de science, considère l'Amin Shanqiti parmi les cinq meilleurs qu'il a rencontrés. Et les cinq grands hommes de science qu'il a rencontrés, Abd al-Rahman Abd al-Khalq, dit que ce n'est pas un homme qui vit son siècle, qui ne connaît pas son siècle. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala tue les passions. ورجوعا إلى كلام الشيخ النجمي حفظه الله تعالى يقول شيخ النجمي: قاتلك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهت فتزعم أنه على سعة علمي يعجز أن يرد شبهة يريدها عدو من عدو من أعداء الله عليه. اي نغفنو على بارول دو شيخ النجمي حفظه الله تعالى كي دي كلا سبحانه وتعالى تكومبا يا عبد الرحمن اسكو سي سا سي كوم سا كتي رومسي تون شيخ تي تي تي تي مي سي جونغ دو مونسونج سور تون شيخ Et tu prétends que malgré la grande science qu'il a, qu'il est incapable de répliquer à une shubha que peut lui envoyer un ennemi parmi les ennemis d'Allah. Et dit le Cheikh Najmi, وَقَدْ فَسَّرَ كِتَابَ اللَّهِ بِتَفْسِيرٍ لَمْ يُسْبَقْ إِلَى مِثْلِهِ وَهُوَ يَحْفَظُ أَقْوَالَ الْفُقَهَاءِ والأصوليين في كل حكم ويحفظ أشعار العرب وأقوال اللغويين وخلافهم وما يستشهد به لكل قول أو كل فريق أتراه وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه وأقوال أهل العلم يعجز أن يرد على مارق من المارقين شبهة إلحادية. الشيخ النجمي دو ندير حفظه الله تعالى et de s'adresser à عبد الرحمن et de lui dire tu vois Cheikh Amin Chalqiti a interprété le livre d'Allah Azza wa Jal d'une interprétation qui n'a pas d'égal. Et il dit, et il mémorise la parole du jurisconsulte, la parole d'Al Osoliyun, dans chaque sentence, et il mémorise la parole des Arabes, les poésies des Arabes, et les paroles des hommes, des savants de la langue, et leurs divergences. Et chaque fois qu'il ramène quelque chose comme témoin, il la ramène directement, pas de. Les paroles de poèmes, ou là les paroles d'Al Osoliyun, ou là les jurisconsultes, il la ramène directement de sa mémoire. Il connaît les paroles de toutes, de tous, le Fouqaha, Osoliyun, etc. Alors, et il a mémorisé le livre d'Allah Azza wa Jal, il a sunna de son prophète, alayhi salatu wasalam, et les paroles des hommes de science, et qui étudient de lui qu'il est incapable de répliquer un ennemi parmi les ennemis d'Allah Azza wa Jal. إن هذا لهو الافتراء والكذب يقول الشيخ النجمي إن هذا لهو الافتراء والكذب والظلم فلو ضربت مثلا بغير هذا الرجل لكان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس ولكن الله يريد تجنيك عليه وظلمك له فاتق الله وتب إليه وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رميك للعلماء بالجهل والعجز والخور. Et Cheikh Najmi de dire, ça c'est un mensonge, c'est une injustice. Si ta vie prit comme exemple un autre homme que Sharqit rahmatullah alayh, peut-être que certaines personnes pourraient te croire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait montrer ton injustice vis-à-vis de cet homme et ton crime vis-à-vis de ce Cheikh. Et Cheikh Najmi de lui dire, crains Allah azza wa jal. Crains Allah Azza wa Jal et réponds-toi et efface ce que tu as écrit dans ce passage en disant ce que tu as dit, en décrivant les hommes de science con quoi ils sont ignorants, con quoi ils sont incapables. Aturidu min al-ulama an ya'kufu ala nizam al-mu'amalat al-gharbiyya fayadrusu wa hum qad darasu al-shari'a wa amanu bi annaha وآمنوا بأنها هي الحق وما سواها باطل فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلا عرفوه وبينوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم. Et lui dit, Cheikh Najmi de dire à Abdelrahman Abdelkhalq, tu veux que les hommes de science se pensent sur les règles des transactions occidentales, qu'ils les étudient comme ils ont étudié la législation? Alors qu'ils ont cru en la législation et que la législation pour aussi la vérité en dehors de la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est du faux et du blâmable. Et chaque fois qu'on leur expose des choses parmi les lois d'Yel Jahiliya ou la d'Yel l'Occident, etc., ils le connaissent et ils montrent le point du défaut de cette loi et de cette transaction par la science de la législation qu'ils ont, car la science de la législation prend le dessus sur toutes les sciences à l'islam. Et il dit le Cheikh Najmi hafidhahu Allah ta'ala, ثم أرني عالما واحدا من العلماء بحق يقول إن السياسة ليست من الدين أو واحدا من العلماء بحق يدعى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك. Et Cheikh de lui demander, ramène ta preuve, dis-moi, montre-moi un homme de science, digne du nom, qui dit que la politique ne fait pas partie de la religion. Ou dis-moi un seul homme de science, digne du nom, qui, quand on entend appeler vers le jihad sur le sentier de Allah, il le refuse. Il est en train, Cheikh Najmi est en train de lui lancer un défi qu'il ne pourra pas répondre. Mais tout ce qu'il a dit Abdelrahman Abdelkhalqal, ce sont des ambiguïtés pour détourner quoi? Pour détourner la jeunesse des hommes de science. Et dernièrement, il lui dit, et montre-moi ce que les épluchures qu'il y a dans l'islam, dans la religion musulmane, et montre-moi et éclaire-moi sur ces épluchures. ويقول له الشيخ النجمي إن الإسلام كله حق لا باطل فيه وصدق لا كذب فيه وجد لا هزل فيه ولب لا قشور فيه وأخاف على من زعم أن في الإسلام قشورا أن يكون قد خرج منه وصار مرتدا فاتق الله يا عبد الرحمن وتب إليه لا يحملك التحزب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه وأنت تزعم أنك تدعو إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم فالتوبة متواتية وممكنة الآن. الشيخ النجمي دو ديغا عبد الرحمن عبد الخالق الإسلام en entier c'est une vérité, il n'y a pas de faux dedans, il n'y a pas de mensonge, c'est une vérité, il n'y a pas de mensonge dedans, c'est quelque chose de solide et c'est quelque chose d'avenant. Et l'Islam, il n'y a pas d'épluchure dedans. Il n'y a aucune épluchure dans l'islam. Et je crains, il dit, Cheikh Najmi Hafidhahullah, et je crains pour celui qui prétend que dans l'islam, il y a des épluchures, qu'il soit sorti de l'islam et qu'il devient apostasie. Il dit, je crains pour lui qu'il soit sorti de l'islam et qu'il devient apostat. Il lui dit, crains Allah Azza wa Jal, ya Abdurrahman, et repends-toi vers Allah Azza wa Jal, et que ton sectarisme et, ton sectarisme ne te pousse pas à dire de l'islam des choses duquel l'islam est innocent, alors que tu prétends appeler vers l'islam et comme ça tu accuses les porteurs de cette religion qui sont les hommes de science dignes du nom, tu les accuses de choses qui ne sont pas en eux et des choses qui ne sont pas vraies. Et il lui dit, maintenant, Tauba est possible. Repends-toi, Tauba est possible encore maintenant. وأخيرا يقول الشيخ النجم فهذا واحد من أهل هذا المنهج بل ربما قيل أنه من المعتدلين فيهم يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم ويزعم أنهم فهموا من الدين قشوره إنه يسير على نمط الغزالي ويضرب على الوثر الذي ضرب عليه الغزالي ويأتي من ينتقد السلفية الجديدة كما زعم فيزعم أن السلفية الجديدة سلفية عرفت من الإسلام قشوره يقلد بعضهم بعضا فهل لا بينوا لنا القشور التي في الدين حتى نعلمها ولكنه التقليد الأعمى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Et à la fin de cette 25e critique émis sur l'Ikhwal Muflisoun, dit Cheikh Najmi Hafidhahullah, ça c'est l'un des exemples de cette voie. Et peut-être que Abdelrahman Abdelkhalq fait parler de ceux qui sont un petit peu doux et duquel on peut dire qu'il est dans un juste milieu. Mais regardez, celui de qui il est dit qu'il est d'un juste milieu dans la déviation, regardez comment il accuse les hommes de science, comment il les accuse, comment il les dénigre. Et comment il prétend qu'ils n'ont compris de la religion que ses épluchures? Il marche sur la même voie que de l'Ghazali, le contemporain. Et il est sur la même corde que lui. L'Ghazali a critiqué la Salafia. Et Abdelrahman Abdelkhalq va sur la même voie que lui. Et après arrive celui qui critique la salafia nouvelle, c'est-à-dire la salafia contemporaine, comme le prétend le Ghazali, que la salafia nouvelle, C'est une salafia que nous connaissons de l'islam que ses épluchures. Regardez comment les gens de la déviation s'imitent les uns les autres. Abdelrahman Abdelkhalq, dans tout ce qu'il a fait, il n'a imité que le Ghazali, qui a dit que la salafia nouvelle est une salafia qui n'a connu de l'islam que ses épluchures. Hein? Chaque voix a ses héritiers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons les héritiers. Hein? De ne plus être d'Allah alayhim et des hommes de science dignes du nom, hein, et non pas de ceux qui traitent l'islam comme quoi dans l'islam il y a des épluchures. Et Cheikh Najmi de nous dire qu'il nous montre un petit peu les épluchures qu'il y a dans la religion pour qu'on le sache. Mais il dit tout simplement, c'est tout simplement l'imitation aveugle. Les uns imitent les autres. Et il cite un verset du Coran dans Sourate Dariya qui dit ils se sont conseillés mutuellement. Ils se le sont conseillés mutuellement. Ce sont des gens qui ont dépassé leurs limites. Et ainsi, nous avons terminé avec la 25e critique qu'a émis Cheikh contre les frères musulmans. Là, il ouvre un autre chapitre. يقول حفظه الله تعالى ومن ولائد الإخوانية السرورية والقطبيين وهما فرقتان أو حزبان فصلتا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف زين العابدين الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن ويصدر مجلة تسمى مجلة السنة. وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية كتبه هو بنفسه وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها 10 سنين كما ذكر. Et voici, nous avons terminé maintenant avec la 25e critique et les critiques qu'a émis Cheikh Najmi vis-à-vis des frères musulmans. Et il ouvre un autre chapitre et il dit et fait partie des enfants d'Yel Ikhwaniya, c'est-à-dire des groupes qui sont nés, qui sont sortis des gérants d'Yel Ikhwal Muflisoun, le Sororit et le Qutbit. As-Sororiyun ou Al-Qutbiyun. Et ce sont deux groupes, ou la deux parties qui ont été dissidents. C'est des dissidents d'Yel Ikhwal Muflisoun. Sororiya, il est attribué à Mohamed Soror bin Naif Zil Abidin, qui maintenant réside à London. Et il est mis de là-bas une revue qu'il appelle Sunna, mais comme il a dit à un certain nombre de sciences, il aurait dû l'appeler le Bid'a, il aurait dit raison, il aurait eu raison. Et Cheikh Najmi de nous dire, et devant moi maintenant, un exposé très long, dont le titre c'est Sururiya, les Sururi, que Mohamed Sourour a écrit lui-même, où il attaque l'Ikhwal al-Muflisoun après avoir œuvré dans le groupe de l'Ikhwal al-Muflisoun plus de 10 ans, comme il l'a dit lui-même. Et cet exposé, écrit dans la revue de l'Sunna, plutôt la revue de l'Bid'a, il date de l'an 1413. Et la revue, c'est le numéro 27. فهذا المقال نشر في مجلة السنة وحق لها أن تسمى البدعة كما قال بعض أهل العلم في المدينة يحمل العدد 27 لسنة 1413. دونك يقول سرور قال فيه بعد رحلة في هذه الجماعة استمرت 10 أعوام هيأ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الجماعة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون من خلال عقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ولم تكن الجماعة التي أنتسب إليها كذلك وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي في هذه الجماعة ولكن هيهات فالمسافة بعيدة والخرق يتسع صحيح أن الجماعة في المنطقة التي قوم فيها أقيم فيها ليس فيها شاعرة أو متصوفة أو معتزلة ولكن هذا الصنف موجود في أماكن أخرى وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل والعقد في إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية وهؤلاء عند منتسبي الجماعة ثقات وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم لأن الأصل في توثيقهم انتماؤهم لهذه الجماعة وليس الأصل منهاجهم وتصوراتهم الذين يدعون إليها. وهذا العمل الحزبي يجعل الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة يشعر بأن فلان الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي، ليس لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة والثاني مستقل ولا ينتمي لأي جماعة. Et voici ce que nous cite Cheikh du passage qu'a écrit Soror il y a à peu près maintenant 16 ans maintenant. Dans le titre, c'est Les Sororis. Hein? Rappelez-vous de ce titre parce qu'après, il accuse les hommes de science comme quoi eux, ils ne se sont pas donné ce nom. Que c'est les hommes de science qui leur ont donné ce nom. Vous allez. Rappelez-vous qu'il le dit. Il a un titre. Dans la revue 27 où il titre le titre Sororia. Il a dit, dans ce qu'a cité Cheikh Najmi ici, après une longue traversée dans le groupe, c'est-à-dire dans le groupe d'Al Ikhwal Muflisoun, dans lequel je suis resté 10 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour moi des situations dans lequel j'ai su que la da'wa ila Allah, il ne faut pas qu'il se fasse en dehors du dogme et de la voix du puiseur d'Allah alayhim. Ceci, ce sont des belles paroles. Et il dit, la jama'a à laquelle j'appartenais n'était pas ainsi. Et j'essayais de concorder entre eux les choses avec lesquelles je suis convaincu et la situation dans la jama'a. J'essaye de faire, d'essayer de concorder la situation. Mais il a dit, j'y arrivais pas parce que la distance est énorme. Et il dit, c'est vrai que dans la jama'a, quand il était en Arabie Saoudite, dans la région où j'étais résident, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, il n'y avait pas d'Ash'arite, ni de Sofi, ni de Mu'tazila. Mais il a dit, mais cette catégorie est présente dans d'autres pays et dans d'autres lieux. Et parmi eux, parmi ces Ash'arites, parmi Hada, il y a des grands responsables du groupe et qui décident pour le monde entier. Il a dit, ceci et ces hommes qui appartiennent à ces voies d'Al Ash'arite, ou d'Al Tasawuf, d'Al I'tizal, on les trouve dans les têtes d'Al Ikhwan, que ce soit au Sham, que ce soit dans d'autres bilades arabes, dans d'autres pays arabes. Et ceux-là, ils appartiennent au groupe. Et ce sont des gens dignes de confiance dans le groupe. Il n'est pas permis de les critiquer. Car, à l'origine, comme quoi ils sont dignes, c'est parce qu'ils appartiennent à la Jama'a, au groupe. Ils n'ont pas, c'est pas leur voix et leur vision des choses qui fait qu'ils sont dignes. Non. C'est parce qu'ils appartiennent au parti. Et parce qu'ils appartiennent au groupe. C'est comme ça qu'ils deviennent dignes. Chez l'Ikhwan, c'est pas ta aqida, c'est pas ton manhaj d'Al Salaf qui fait de toi que tu es digne. Non. C'est parce que tu es adepte du parti d'Al Ikhwan, c'est comme ça que tu es digne. Et du moment qu'ils font partie de ceux qui appellent vers la voie d'Al Hizb, d'Al le parti, ceux-là, et du moment qu'ils adhèrent aux visions du parti, cela fait de l'individu qu'il appartienne à ce groupe et qu'il est digne. Et ça fait de lui qu'il appartienne au groupe et que telle personne qui est soufi, il est plus proche de lui 100 fois que quelqu'un qui est salafi. Par la chose la plus simple, c'est que le premier, il fait partie de la jama'a et le deuxième, il est indépendant, il ne fait pas partie de la jama'a. Mais tu vois que là, ces paroles d'Al Soror te montrent que lui, il était à l'intérieur. Que l'alliance, il disait, veut se fait pour le parti à l'islam. Et ceci est très dangereux. Ce qui est le contraire, ce qui est le contraire chez les gens de la Sunna. Et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Et ceux qui respectent la voix de leur prophète alayhi salam. Et la voix de leur puiseur d'Allah alayhim. يقول سرور لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى ومللت ترضاذ من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قاعدة ميكافيلية. Il dit, j'en avais marre. C'est toujours les paroles que cite Cheikh Nejmi de Soror. Il dit dans le même dans la revue là. Et il dit, j'en ai marre de cette politique de rassembler sur une base qui n'est pas saine. Et j'ai commencé à croire que une politique qui est basée sur ce mélange de personnes sans identification ne peut pas ramener, que c'est une politique qui va vers la défaite et ne ramène pas le triomphe. Et ça, c'est quelqu'un de chez eux qui le dit. Même si le groupe prétend qu'ils sont proches de la victoire. Et il a dit, j'en avais marre d'entendre autour de moi et qu'on se pardonne les uns les autres sur les choses sur lesquelles on a une divergence. C'est une règle machiavélique. Il dit, ويقول كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد وهذا الاعذار يعني انه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين واهل الاعتزال وغيرهم من اهل البدع والخرافات ان الغوغائيه هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه المقوله وعندما يتحررون من الغوغائيه والسطحيه سوف يشعرون بخطر هذا الشعار. Il continue de dire, comment on peut s'excuser les uns les autres dans des choses qui sont le contraire, qui sont des divergences dans le contraire, lequel on est contraire à la preuve. Il a dit, le fait de s'excuser, ça veut dire que là, il n'y a plus de différence entre un salafi et un mu'tazili, et un homme de l'innovation. Il y a un homme qui vit sur les histoires à dormir debout et sur les mythes. Il dit, ces suiveurs aveugles qui suivent, c'est parce que les gens de ces groupes, ce sont des gens qui suivent aveuglément, et c'est pour ça qu'ils répètent cette parole, qu'on se pardonne les uns les autres dans les choses sur lesquelles on est en divergence. Et si ces gens qui suivent aveuglément se réveillent un petit peu et essayent de chercher, ils vont se sentir qu'ils sont dans un énorme danger et que cet emblème-là est très dangereux. C'est-à-dire que les uns, qu'on se pardonne les uns les autres dans les choses sur lesquelles on est en divergence. Donc ça veut dire que tu peux parler à un rafidé et l'accepter avec toi. Même s'il insulte Abou Bakr et Omar, c'est une divergence pour eux. A'oudou billah, où est-ce que ça peut amener? C'est une situation dangereuse. Mais qu'est-ce que tu veux à quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aveuglé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, et quelqu'un qui est pris, on lui a mis des oeillets comme un mulet, tu fais ça, point final, ils l'ont rempli, lui ont fait un lavage de cerveau, c'est ainsi qu'il marche, on le téléguide comme un robot. وفضلا عن هذا وذاك لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول وإن كان هذا القول شرعيا وعليه أدلة واضحة من الكتاب والسنة حاولوا تأويل هذه النصوص حتى لا تتعارض مع أقوال القادة وهذه هي مشكلة الأتباع يغالون في حب قادتهم ويزداد هذا الغلو مع مرور الزمن وقلة العلماء العاملين واندراس العلم. Il dit malgré tout ça, je ne trouvais pas une excuse comment mettre au devant les paroles du commandant du groupe sur une autre parole, sur toute autre parole. Et il dit même, Huma, il dit qu'ils mettaient la parole de leur chef au-dessus de toute parole, même si c'est une parole de la législation et qu'il y a des preuves. Il dit parce que Huma, ils prennent les paroles de leur chef. Et s'ils sont en contradiction avec les textes, ils tordent les textes, ils donnent des significations aux textes qui vont aller de pair avec la parole de leur responsable. Il a dit ça, c'est... Et les disciples agissent ainsi. Il a dit ça, c'est le grand problème et le grand dilemme chez les disciples. C'est... Ils sont allés à l'extrême dans l'amour de leur responsable et de leur commandant et leur émir. Et cet extrême, avec le temps et avec le manque de science, et cet extrême ne fait qu'augmenter avec le temps, Et avec le manque de science et le manque d'hommes de science dans ce genre de groupe. ويقول كنت صغيرا عندما انتسبت إلى هذه الجماعة وكنت أفتقد الحد الأدنى من العلوم الشرعية التي تمكنني معرفة حدود الطاعة ولهذا فقد كنا نخضع لمزاجية المسؤول عنا. Il dit, quand j'étais jeune, quand j'ai adhéré à ce groupe, et j'avais pas de bagage scientifique qui me permettait de connaître la limite de l'obéissance. C'est pour ça qu'on obéissait même aux humours de notre responsable. يقول كان يأمرنا بأن نقاطع فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة وكنا نستجيب له. Il dit notre responsable nous donnait l'ordre de ne plus parler à telle personne parce que il a dévié de la voie et de la ligne de conduite du groupe. Il a dit on mettait en application l'ordre de notre chef. يقول لأن نعتقد أن طاعة هذا المسؤول طاعة لله ورسوله. Parce qu'on croyait que le fait d'obéir à cet homme, à son responsable, c'est une obéissance à Allah et à son messager. وهو أي المسؤول الذي علمنا هذا الاعتقاد. Et c'est ce même responsable qui nous a appris cette croyance. Il dit ويقول وكنا نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الأخ الذي قاطعناه لم ينحرف عن خط الجماعة ولم يتخلى عنها أو يناصبها العداء ولكنه اختلف اختلافا شخصيا مع صاحبنا الذي أمرنا بمقاطعته. Il dit nous savions par une voie ou par une autre que le frère que le frère que, avec lequel on coupe notre relation n'a pas dévié de la ligne du groupe et n'est pas devenu un ennemi au groupe, mais tout simplement il a eu une divergence personnelle entre, il y a eu une divergence personnelle entre lui et notre responsable qui nous a intimé l'ordre de ne plus lui parler. Et il dit wa kunna fi hadi al-hala nabhatu an adhar al-mas'ul 'anna فإن لم نجد أوهمنا أنفسنا بأن الجماعة على خير ما يرام ويجب ألا نشتغل بما لا يعنينا. Et dans cette situation, il dit, nous cherchions des excuses pour le frère responsable. Et nous donnons des allusions comme quoi le groupe, il est sur la meilleure des situations et qu'il ne faut pas s'occuper de ce qui ne regarde pas. Là, ce sont les paroles d'Yal. Hein? Quelqu'un qui était avec eux. Regardez par exemple, rappelez-vous du débat où Sarkozy a coincé Tariq Ramadan. Hein? Où il a dit où Tariq Ramadan a dit des énormités. Est-ce que les Ikhwan Mouflissoun l'ont désavoué? Pas loin de là, il l'invite toujours. Il est toujours la tête d'affiche. Ils lui ont trouvé même des excuses dans ce qu'il a dit. وبعد هذا الهجوم العنيف والنقد اللاذع الذي سمعناه إلا أنه هجوم في محله ونقد أصاب المقاتل من جماعة الإخوان لأنه صدر عن رجل عاش في هذه الجماعة 10 سنوات عرف خلالها أشياء كثيرة من الأخطاء وكل من ثقده يؤيد ما لاحظه أهل العلم على هذا المنهج ودونته في ملاحظات السابقة. Et après cette attaque sévère et cette critique que nous avons entendue de Soror à ce groupe, et cette attaque qui était à sa place, et cette critique qui a touché au fin fond ce groupe d'Yel Ikhwan, parce qu'il émane de quelqu'un qui a vécu avec eux. Il a vécu avec eux 10 ans, donc il a connu les failles et toutes les erreurs que les hommes de science ont critiquées à ce groupe. Et beaucoup de ces critiques que vous avez entendues du Cheikh Najmi, Hada Soror aussi les a émis contre eux son ancien groupe. فيقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى فأول ما انتقده هو ذلك الخليط من البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة واتجاهات مختلفة مما لا يستسخيه عقل ولا يقره شرع. Il dit الشيخ النجمي حفظه الله تعالى, il dit la première chose qu'a critiqué Soror sur les frères musulmans, c'est qu'il a critiqué ce mélange de personnes qui ont des convictions différentes et des convictions opposées et des orientations opposées, ce que ne peut pas permettre une raison et ce que la législation ne peut pas approuver. Dans le groupe d'Yal Ikhwan Muslimoun, tu trouves chéri, tu trouves même le chrétien. Ne t'étonne pas que après on demande à la table ronde et que dans les mosquées d'Yel Ikhwan, tu as des tables rondes entre un rabbin, un juif et l'imam musulman, etc. Faut pas t'étonner. Parce que c'est un ramassé d'idéologies et d'idées et de convictions différentes. Ce que la législation n'approuve pas. وتانياً يقول الشيخ النجمي قوله وهذا العمل الحزبي يجعل فلان الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا فالأول من الجماعة والثاني مستقل ويتبين من هذا شؤم الحزبية وأنها توجب على صاحبها أن يتولى من يجب بغضه وعداوته ويبغض من يجب حبه وموالاته لا لشيء سوى أن الأول من أهل هذا الحزب والثاني من خارجه. Deuxièmement, il dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, dans la parole de Soror, où il dit, cet acte hizbi fait que telle personne Sofi est plus proche de la personne 10 fois ou 100 fois de telle personne Salafi. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier, le Sofi, il est de la Jama'a et le deuxième, il est indépendant, il ne fait pas partie de leur Jama'a. Et Cheikh Najmi de nous dire ici, de là, tu vois le grand malaise qu'il y a dans la Hizbiya. Et que la Hizbiya implique qu'il s'allie à la personne qu'il doit désavouer. Et qu'il aime la personne de laquelle il doit s'éloigner, qu'il doit détester. Et pourquoi il s'allie à la personne qu'il doit désavouer et désavouer la personne avec laquelle il doit s'allier? Tout simplement pour le Hizb et pour les fondements du Hizb, du parti. Il désavoue celui-là parce qu'il ne fait pas partie de leur parti. Et il s'allie avec celui-là parce que même s'il est ce qu'il est et qu'il a une aqida fazda ou autre, ben il s'allie avec lui parce qu'il fait partie du même parti que lui. Talitan yaqulu Cheikh Najmi amma qawluhu sa'imtu min tirdad min hawli wa ya'dur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi wa qad ankara hadha at-ta'bir al-batil alladhi yatanafa ma'a a'zami al-usus fi din al-islam. Qala ta'ala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الشيخ نجمي troisième il dit regardez sa parole quand il a dit j'en ai ma claque, j'en ai marre d'entendre autour de moi et que les uns s'excusent et qu'on s'excuse les uns les autres sur les choses sur lesquelles nous sommes en divergence. Et il dit Hafidhahullah Ta'ala Cheikh Najmi, regardez, il a blâmé cette expression nulle et fausse et non avenante et qui est en contradiction avec l'une des plus grandes bases de l'islam. Il est dit dans surat al-Mujadila, tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et en l'au-delà fraternisés avec ceux qui ont pris un autre chemin que le chemin d'Allah et de son messager. Et il est dit dans l'autre verset, dans Surat Mumtahina, vous avez l'un des plus nobles exemples et les plus nobles modèles dont Ibrahim et ceux qui sont avec lui quand ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jal? Donc cette règle et qu'on se pardonne les uns les autres sur les choses sur lesquelles nous sommes en divergence, ben va une contradiction avec la parole d'Allah Azza wa Jal, comme il l'a dit Cheikh Najmi ici Hafidhahullah Ta'ala. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى ذكر أن الغوغاء هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه العبارة بدون تفكير ولا تأمل لما وراءها من نتائج. الشيخ النجمي ندي وقاضي هذا Soror a dit que le ghawaya, c'est-à-dire que le manque de science et le suivi aveugle des gens, c'est ce qui fait que ces gens-là répètent cette expression sans réfléchir et sans méditer ce qu'il y a derrière comme mal derrière cette expression. خامساً قوله وفضلا عن هذا وذاك لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول وذلك أنه لمس أن أصحاب الحزب يقدمون أقوال قادتهم حتى ولو خالفت النصوص الشرعية وأنهم حينئذ يتأولون النصوص لتوافق أقوال أئمتهم. Et cinquièmement, il dit, et malgré tout ça, je n'ai pas trouvé une excuse valable pour mettre en avant la parole d'Yel les responsables du groupe sur toute autre parole. Pourquoi? Parce qu'il a senti que les gens du parti mettent en avant, parce qu'il sait et qu'il a senti que les gens du parle, mettent en avant la parole de leur responsable, même si la parole de leur responsable est en divergence avec la parole d'Allah, Zawajal, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et dans ces cas-là, ils vont vers quoi? Ils vont à donner, à déformer le sens des textes pour qu'ils concordent avec la parole de leurs imams. سادسا يقول الشيخ النجمي تعظيم التابعين للمتبوعين ومغالاتهم في حبهم يؤدي بهم إلى أنهم يرفعونهم فوق منزلتهم ويعطونهم ما ليس لهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله. سيزيام مو يدي سرور سي كو لي ديسيبل ها فون دون لوغ امور بور لوغ شيف فون اوز اكستريم اي لي زيليف او دولا دو لوغ بلاس اي لوغ دون اون بلاس كي ne l'aurait pas dû. Et des fois, ils les prennent comme des législateurs en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui a été parmi eux, frère en Allah, Azza wa Jal. كذلك سابعا يقول الشيخ النجمي استنكر أيضا تحكم القادة في حريات من تحت أيديهم فيأمرهم القائد أن يقاطع فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة حتى ولو لم يكن منه انحراف ولكن مجرد هوى. Il dit, Cheikh Najmi de nous dire, regardez, même Soror a blâmé hein, le fait que les responsables du groupe hein, gèrent les libertés des personnes. Quand le Qaïd, le commandant, donne un ordre pour couper les relations avec tel, parce que soi-disant, il a dévié de la ligne du groupe, ben ils le font. Même si la personne n'a pas dévié de la ligne du groupe, mais tout simplement par envie de le couper et que les gens. Parce qu'il a eu, comme il l'a dit, une divergence personnelle avec. Et فهذا الفصل الذي أتى به الشيخ حفظه الله تعالى الغالب أنهم في قول أن الذي فيه أنهم يأمرون أتباعهم بمقاطعة من ينتقد الجماعة ورموزها والقادة فيها فهذا يقاطع ويحدل منه كما يفعل بكل سلف وداعية يدعو وينتقد أخطاء هؤلاء وأخطاء هذه الجماعة. فنحن رأينا ما فعلوا بإخواننا وبمركز إخواننا السلفيين ببلجيكا وما يفعلوا وما يقولون عن مصلى كم في السكن الجامعي وهذه المقاطعة قد يخترقون لها أدوات ويروجون هذا فلان لا تذهبوا إليه ولكنهم ولا تحضروا دروسه لأنه يتكلم في الدعاة والمشايخ وطبعا يقصدون دعاة ومشايخ الجماعة ولكنهم يوهمون بهذا الإجمال وهذا يتكلم في الجماعات الإسلامية الدعوية القاب رنانة ويتكلم في المفكرين الإسلاميين وما عنده إلا التجريح وما عنده إلا النقد يأتون بهذه العبارات التي تحمل عاطفة وتحمل ولا تحمل علما ولا حكمة ولا رشدا والشباب يتأثرون بهذا الكلام. إيه ce passage qu'a écrit الشيخ حفظه الله تعالى dans lequel il nous montre que les disciples de ce, les responsables de ce, des groupes déviés de la voie de nos puiseurs d'Allah alayhim demandent à leurs disciples de couper court avec tout un chacun qui critique leur groupe et qui critique les emblèmes et les têtes d'affiche du groupe et les responsables du groupe. Ils doivent se couper de lui et avertir contre lui. Comme on l'a dit, comment ils ont fait pour critiquer le centre Al-Furqan à Bruxelles, les Hizbis de Bruxelles, comment ils font, et comment les Hizbis du nord de la France, comment ils critiquent la salle de prière de Camus dans le site, dans la résidence universitaire, dans laquelle il y a une da'wah salafia, alhamdulillah, depuis 8 ans maintenant. Et quand ils demandent à couper avec ça, ils inventent des moyens et des mensonges pour arriver à ce but. Ils disent, n'allez pas à telle personne, n'assistez pas au cours de telle personne, ne rentrez pas dans tel salon. Pourquoi? Parce que ces gens-là parlent sur du'at et sur le mashayikh. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par du'at et le mashayikh? Ils veulent dire tout simplement leur emblème, parce qu'il parle sur les têtes d'Yel Ikhwan, parce qu'il parle sur les têtes d'Yel, parce qu'il propage les paroles des hommes de science sur les Ikhwan, sur les têtes d'Yel Ikhwan, sur les penseurs islamiques d'Yel Qutbiya et d'Yel Ikhwan et autres d'Yel Sururiya. Mais ils utilisent des mots généraux, le mot terme du'at, hein, ils parlent sur l'ulama, ils parlent sur du'at, etc. pour, hein, rentrer des ambiguïtés dans la tête des gens. Et pour illusionner les gens que cet homme-là est mauvais, il parle sur les hommes de science. Alors que cet homme-là, il parle, il ramène les paroles des hommes de science sur les du'at et les prêcheurs qui ont des erreurs chez l'Ikhwan, chez le Qutbiyin, chez Tkfiriyin et chez Sururiyin. Mais Huma, il ramène des titres généraux et des termes généraux pour induire les gens en erreur. Ils disent, cette personne ne connaît que la critique. Il n'a que la critique. Hein? Et ce sont des termes qui portent, hein, qui font réagir les sentiments des gens. Et ce sont évidemment des termes dans lesquels il n'y a aucune science, il n'y a aucune sagesse, il n'y a aucune orientation. Mais malheureusement, les jeunes sont influencés par ce genre de paroles. Ils tombent dans le panneau. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. Wa hakada yadhakuna ala al-shabab. بل استطاعوا أن يخدعوهم وأن يلقنوهم أن الكلام في الجماعة الإسلامية مرفوض وغير مقبول مع أن الكلام في هذه الجماعة المنحرفة عن منهج السلف الصالح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب ويقوم بها أهل العلم الجاهد الناصحون الأمة قاموا به ويقومون به حفظهم الله تعالى وأيدهم ونصرهم et ces paroles bien sûr ils rigolent avec sur les jeunes. Ils se foutent des jeunes par ces paroles-là. Hein? Et ils leur inculquent ce genre de paroles. Ils sont allés même là leur inculquer que le fait de parler sur les groupes islamiques, il est refusé. Et il est inacceptable. Alors que le fait de parler sur le groupe qui ont dévié de la voie de leur puissance, c'est la voie. C'est une forme d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Et ceci est une obligation qu'accomplissent les hommes de science, qu'ont accompli les anciens, qu'accomplissent les contemporains. Il ne l'accomplit que les combattants réels sur le sentier de l'Allah, ceux qui conseillent la communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont morts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse profiter des conseils de ceux qui sont vivants. C'est un devoir des hommes de science. Et par Allah, nous attestons qu'ils le remplissent comme il se doit. Des savants comme Cheikh Ubaid, des savants comme Cheikh Rabi', comme Cheikh Najmi, comme Cheikh Al-Fawzan, comme Cheikh, comme tous les mashaïkh, Mohamed bin Hadi al-Madkhali, Zayd bin Hadi al-Madkhali et autres, Cheikh Abdallah al-Bukhari et autres, ils sont nombreux à remplir leurs devoirs et à conseiller à la communauté et à orienter la jeunesse de cette communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense comme il se doit. Ayyuha al-Shabab, ayyuha al-Ikhwa, ayyuha al-Akhawat, is'alou anfusakoum. هل هذه الجماعات على السنة أم أنها خليط من المفاهيم والمناهج؟ فغنى الله عز وجل سغنى الله عز وجل Je vous demande, posez la question à vous-même, est-ce que ces groupes sont sur la sunna ou c'est un mélange de définition et de compréhension et de voix qui sont contraires à la sunna? Posez-vous la question. فإذا كانت خليطا فلا بد من البيان فالله سبحانه وتعالى أخذ على أهل العلم وطلابه أن يبينوا فلا بد لهم أن يبينوا وهذا من واجباتهم ونشهد الله سبحانه وتعالى على أن علماء هذا المنهج السلفي بينوا ويبينون ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد وربنا يقول لهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقاموا بهذا الواجب ولا زالوا يقومون به حفظهم الله ونفعنا بهم جنس فخيرنا الله عز وجل ces groupes sont un mélange d'idéologie et d'idées. Il est obligatoire l'éclaircissement. Allah subhanahu wa ta'ala a pris un pacte sur les hommes de science, les demandeurs de science, qu'il faut qu'ils éclaircissent, hein, sur leur situation. Et ça fait partie du devoir des hommes de science. Et nous attestons devant Allah azza wa jal que les hommes de science de la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim éclairent et éclairent encore. Et ils le font et ils l'ont fait auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala toute la louange et tous les remerciements à Allah Azza wa Jal que les hommes de science, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des hommes de science dignes du nom qui éclairent la communauté sur le faux et le nul de ces groupes et sur la déviation de ces groupes. Il est dit dans le verset où vous allez éclairer les gens dessus et vous allez pas le cacher. Ils remplissent leur devoir, ils mettent en application ce verset et c'était d'ordre min Allah Azza wa Jal. فهؤلاء المخرفون المنحرفون عن منهج السلف يريدون من أهل العلم السكوت على الباطل، يريدون منهم أن يسكتوا على المنكر، ويريدون من طلاب العلم أن يقبلوا هذا الخليط وهذا التخليط الذي عند هذه الجماعات، وأن يسكتوا ولا يبينوا ولا ينصحوا. Ces gens qui ont dévié de la voie de leur puiseur, d'Allah alim, ces gens qui vivent sur les histoires à dormir debout et qui pêchent dans les eaux troubles et qui baignent dans les ambiguïtés, veulent que les hommes de science se taisent sur le faux, veulent que les hommes de thèse se taisent, ils ne blâment pas le mal, ils veulent que les demandeurs de science acceptent ce mélange et ce mélange d'idéologie et ce mélange de déviation qu'il y a ces groupes, et qu'ils se taisent, qu'ils n'éclaircissent pas les gens, qu'ils n'éclaircissent pas la jeunesse, qu'ils ne conseillent pas les gens et la jeunesse. والذي يبين عندهم وينصح هذا من العملاء هذا ينفرون منه بلبزه بألقاب شنيعة مع أن الكلام في الجماعات جهاد وحسنة من الحسنات لكن مصيبتنا لكن مصيبتنا عند أهل الإهواء والبدع أن حسناتنا عندهم تعتبر سيئات فالحسنة التي نتقرب بها إلى الله وهي كشف وفضح الملبسين والمنحرفين والمخذلين والمخالفين للمنهج السلفي هذه الحسنة العظيمة هي من الجهاد في سبيل الله تعد عندهم سيئة عكست مفاهيمهم فإنا لله وإنا إليه راجعون فإن الله عز وجل cela il veut que les hommes de science se taisent veulent que les hommes de science n'éclaircissent pas la jeunesse sur ce mélange d'idéologie. Et celui qui éclaire les gens et qui conseille les gens, celui-là pour eux c'est un agent. C'est un agent de la SAVAK, c'est un agent de la CIA, c'est un agent du sionisme. Et ils font éloigner les gens de lui en lui donnant des titres qui sont répugnants. Et il faut savoir que le fait de parler et de ramener les paroles des hommes de science sur les groupes, ceci est un combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal. Et c'est une hasana parmi les hasanat. Mais notre malheur et notre erreur chez les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, c'est que notre hasanat chez eux sont considérés comme des sayyiat. La hasana avec laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, qui est le fait de divulguer le faux et le blâmable de ceux qui ont dévié de la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim, cette énorme hasana qui est un combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, il est considéré c'est cela comme une CIA, comme une erreur. Comme ça, les compréhensions ont été renversées. Ils ont maintenant au moins, ils marchent sur leur tête et leurs pieds sont en haut. À Allah nous appartenons et vers Allah nous revenons. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون أسلافهم الصالحون رضوان الله عليهم والملتقى إن شاء الله يوم السبت. Donc nous arrêtons là إن شاء الله. Nous retrouvons بإذن الله عز وجل le jour du samedi إن شاء الله 19h. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.